Exercice 7, page 35. A. C'est mon invité. Transformer. Ce sont mes invités. B. C'est ton employé. Transformer. Ce sont tes employés. C. C'est son assistant. Transformer. Ce sont ses assistants. D. C'est notre étudiante. Transformer. Ce sont nos étudiantes. E. C'est votre enseignante. Transformer. Ce sont vos enseignantes. F. C'est leur infirmière. Transformer. Ce sont leurs infirmières.